pas un peu, Carmen, rien qu'un moment, arrête. Et pourquoi, s'il te plaît? Il me semble, là-bas. Oui, c'est son éclairon qui sonne la retraite. Ne les entends-tu pas? Bravo, bravo, j'avais beau faire. Il est mélancolique de danser sans orchestre. Et vive la musique qui nous tombe du ciel. La, la, la. Pas compris, Carmen, c'est la retraite. Il faut que moi, je rentre au quartier pour la peine. Au quartier pour la peine. Ah, trop bête. Oh, j'étais vraiment trop bête. Je me mettais en quatre et je faisais des frais. Oui, je faisais des frais pour amuser monsieur. Je chantais, je dansais. Je crois Dieu me pardonne qu'un peu plus je l'aimais. Taratata, sur le créneau qui sonne. Taratata. Il part, il est parti. Va-t'en donc, Canary, Tia, prends ton chapeau, ton sol, que j'y vais. Et va-t'en, mon garçon, va-t'en, retourne à ta caserne. C'est mal à toi, Carmen, de te moquer de moi. Je souffre de partir. Car jamais, jamais femme avant toi. Non, non, jamais femme avant toi. Aussi profondément à la vie, oublie mon âme. Il souffre de partir, car jamais, jamais femme avant moi. Jamais, jamais femme avant moi. Aussi profonde et mon âme troublée son âme. Ta-da-da-da, mon Dieu, c'est la retraite. Ta-da-da-da, je vais être en retraite. Oh mon Dieu, c'est la retraite. Je vais être en retraite. Je le veux, Carmen, tu m'entendras.